Vous êtes assez fous. Pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui à Assemblage requis. Gabriel Legrand nous partage une autre chronique des plus captivantes. On reçoit Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori. On reçoit Sébastien Duluth qui nous jouera une pièce de théâtre dans Va voir ailleurs, j'y suis. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 28 février 2012. C'est François-Olivier Marchand. Salut, c'est Mathieu Plong. Oui, on a une belle émission pour vous. D'un bout à l'autre, on va avoir du contenu tellement intéressant, tellement subjuguant. Subjuguant. C'est le mot du jour. Si ça se dit. Oui, écoute, on reçoit aussi, on l'a pas dit dans l'intro, Nathalie Bellerose-Amel qui vient nous présenter son livre qu'elle a écrit. L'amour, point final. Donc, c'est inspiré d'un fait vécu. Point avec un G, donc un jeu de mots ici. Oui, j'apprécie. Bon. Ouais. Hein, les jeux de mots à Mathieu Plante. Voilà. Ça va être vers les 8h30. Exact. En début d'émission, à 7h30, on aura Stéphanie Gagné, sa collègue Ton plat favori. Elle va nous parler de quelque chose qu'elle a aimé pendant la semaine, comme elle le fait si bien en direct de Gatineau. Et puis à 8h, on aura Gabriel Legrasse avec sa chronique Loisirs et choses hétéroclites qui lui passent par la tête. Formidable. Je ne sais pas encore de quoi il nous parle, justement. Non, je ne sais pas. Mais Gabriel, est-ce que tu sais de quoi elle nous parle? Non, c'est ça, c'est de ça que je parlais. Non, je ne sais pas encore. Okay. Non, je ne sais pas de qui, de quoi. Quand, où? Il y a Stéphanie. Si la question de base était Stéphanie, oui, je sais de quoi elle nous parle. Elle va entre autres nous faire entendre du Ariane Moffat tout à l'heure. Oh, oui. Elle va revenir un petit peu sur les Oscars qui ont eu lieu dimanche. Hein. OK. On entend un peu parler de ça. Là, moi, ça me touche plus ou moins, les Oscars. Ouais, moi non plus. Ah. Mais c'est pas grave, elle va rendre ça intéressant, c'est Stéphanie. Ben oui, ben, je le suis. Bon. On débute du côté francophone avec deux nouvelles entrées du palmarès. Je me suis dit que ça valait la peine en ce mardi matin de commencer à écouter les nouvelles entrées de la semaine. Donc, on va entendre tout à l'heure Winter Mitts. Et oui, le groupe Winter Mitts et non pas Winter Gloves, ouais, qu'on fait jouer souvent. Mm-hmm. Et non seulement le nom est en anglais, mais leur pièce est en français, elle. OK. Donc, c'est bizarre, c'est le paradis. Mais on débute avec les revenants en 20e position francophone. Voici Beau Danseur. Sur C'est Fou 89.1 FM. Sous-titrage Société Radio-Canada.

qui a pris chaque point de vue d'en dessous dans les films de Quentin Tarantino, a fait une supercut de 1 minute 36. C'est quelque chose. C'est beau. Tarantino from below. C'est ce qu'on appelle dans le domaine les trunk shots. Okay. Donc, c'est des prises de vue à la dans une valise de char, si on veut. Donc, assemblagerequis.com pour la vidéo. Et encore une fois, on va avoir une autre chronique un autre jour. Yeah, cool. C'est nice. Pas de chiptune. Merci, Mathieu. Oh, pas de chiptune. Doublement merci, Mathieu. Merci, monsieur. Non. Passe-moi une pièce de musique à la place de Niazen, même. Oh, ben là. Ah, t'as rien dans le coin. Ben non, c'est ça. Ah, c'est drôle, je vais te faire choix. Allez, on y va avec du Topanga. Parfait. Oui. Une nouvelle entrée dans le palmarès anglophone. Fogo Island, c'est ça qu'on a fait jouer la semaine passée. Il va être en spectacle ce vendredi à Montréal. Là, la salle, je l'ai pas. Stop-moi ça, stop-enga-moi ça. Stop-moi ça. Écoute, stop-enga. Je vous reviens avec la place au retour de... Bon, donc Fogo Island, Topanga au 89.1 FM. C'est si bon. Ah ben mais ça. Hein. Combien de temps ça dure? 4 minutes 12. 4 minutes 12 de pur plaisir. Bonheur. Wow. Moi, j'aurais appelé ça Pogo Island, puis j'aurais mis un bâton dedans. Parle pas dessus, s'il te plaît. Ben, OK, de bord. Voilà. Hey. Non, mais il est Faradais, ce gars-là. Au moins, t'as repart, tu sais. Moi, je dis, j'en repars, donc je stop and go. Stop and go. Lève le son. Là, c'est toi qui parles par le feu. Le Panga et Fogo Allen, au retour. Stéphanie Gagné, ton plat favori à Assemblage Requis, restez avec nous. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Sifu, vous écoutez Assemblage Requis et vous aimez ça. To the wind, it's an empty cold outside. I sent you back just the smoothest rock I could find, accompanied by just a couple of words came to mind. It's an old concept, sending letters again. Well thought out, rehearsed and written in pen. Paperless here is a thing of the past. Down the trees and using our guys. We've got Mandarax, loveless sex, and information passing right through our skinny Alors ça, c'est The Whale et la pièce We Are 1980 à Assemblage Requis. Et si vous trouviez d'habitude que François-Olivier Marchand était comme pas super gentil avec Stéphanie Gagné, aujourd'hui c'était particulier. Là. Hey, wow! Oh, wow. Pas non, j'ai été gentil. C'est Steph qui est bizarre aujourd'hui. Ok. Là, on va la laisser se défendre, mais après avoir joué son intro, voici ton plat favori. Steph, officiellement, je m'excuse au nom de François, Olivier et moi-même. Hey, c'est Mathieu qui m'a dit. Merci, Mathieu. Hey, bon, attends un peu, tu connais pas toute l'histoire, Steph. Laisse-moi t'expliquer. Elle était là pourtant. C'est, ouais. c'est Mathieu qui m'a dit Steph veut te parler absolument, prends le téléphone. J'ai pas là, dit là, j'étais là, oui, Steph, là, Steph, tu m'as rien dit, puis t'as l'air vraiment bizarre le matin. Donc, Je pense que je vais prendre le côté à Mathieu. Ben, ouais, c'est bon, hein. C'est pas parce que vous êtes déjà frenchés. Aïe, aïe, aïe, aïe. Bon. OK, donc Stéphanie Gagné qui est en direct de Gatineau aujourd'hui pour s'accorder ton plat favori sur ce qu'elle aime cette semaine. Et là, je sais que tu vas nous faire jouer de la musique, mais tu veux aussi nous parler des Oscars. Oui, aujourd'hui, plein de choses, mais je voulais pas trop parler des Oscars parce que, bon, ça fait quand même 2 jours, puis aussi... Mais c'est pas très couvert, ça. Bon, on n'a pas parlé, nous autres. Non, c'est ça. Mais nous autres, ça nous intéresse. Aussi, il y a plusieurs films dont je vous ai déjà parlé dans d'autres chroniques. Oui. Mais là, j'ai fait un top 5 des films gagnants ou nominés que vous devriez voir. Ah, bonne idée, bonne idée. Formula. Alors, numéro 1... Ben, on commence avec le numéro 1? Ouais, ouais, tu y vas comme avec le meilleur. Vas-y dans l'autre bord. OK, OK, ouais. Numéro 5, d'abord. Bon, faut tout te dire. Sérieux. À l'animé, Palmarès, c'est fou pendant... T'sais. Puis il y a t'as commencé. Tu commences pas pour le numéro 1. Je les ai même pas mis en ordre, en plus. C'est juste... Ben, le numéro 1, oui, puis les autres sont un peu mélangés. Mais là, par ordre alphabétique, ça. Vas-y, vas-y. Numéro 5. Lequel? Numéro 5. Gagnant du scénario original, c'est le dernier film de Woody Allen. Je vous en avais parlé un peu. C'est Midnight in Paris. Donc, pourquoi l'écouter? Pour la musique, parce que moi, j'ai vraiment aimé la petite musique de France. Puis aussi pour découvrir toutes plein de personnalités marquantes du dernier siècle, des écrivains, des peintres, etc. Numéro 4, nominé pour la cinématographie, le film Tree of Life. C'est le dernier film de Terrence Malick. Il n'y a pas tellement d'histoire, donc c'est un peu étrange et c'est un peu long. Mais ça vaut vraiment la peine d'écouter le film pour la beauté des scènes. C'est vraiment c'est assez spécial entre les scènes qu'on voit d'une famille aux États-Unis et les scènes de la création de la Terre. C'est assez spécial, mais c'est vraiment, vraiment très beau. Numéro 3, nominée pour actrice de second plan, Melissa McCarthy dans Bridesmaids. Ah. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est hilarant. C'est écœurant comme film. C'est un film de filles, mais vraiment pas comme les autres. Il n'y a pas de censure. Des fois, c'est vraiment juste dégueulasse. C'est un peu une version féminine de The Hangover. Exactement. Oh, ouais. On compare souvent à ça. Oh. Oui, c'est vrai. J'aimerais peut-être dire. C'est vraiment un film de filles, mais en version comme trash. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Numéro 2, nominée pour meilleure actrice, My Week with Marilyn, donc Michelle Williams qui était nominée. Pourquoi voir ce film-là? Parce qu'on voit un autre côté de Marilyn Monroe et aussi que Michelle Williams est vraiment une excellente actrice. À mon avis, on la voit pas assez souvent dans des grands films. Et numéro 1, vraiment pas de surprise, c'est le gagnant pour Best Picture. C'est The Artist, un film dont je vous avais déjà parlé, un film muet en noir et blanc avec Jean Dujardin. Pourquoi le voir? Parce que ça fait changement des films qu'on voit maintenant. C'est vraiment rafraîchissant. Ça fait du bien de voir un film qui sort de l'ordinaire. Parfait. Alors, c'était mon top 5. Rappelle-nous les 5 en rafale. Midnight in Paris, Tree of Life, Bridesmaids, My Week with Marilyn et The Artist. Merveilleux. Donc, c'est des films à voir qui ont été nominés aux Oscars. Oui, oui, c'est vraiment tous des très bons films. Super. Ensuite, je voulais vous parler de deux chansons qui ont marqué ma semaine. Pour commencer, Ariane Moffat a sorti son album M.A. hier. Donc, j'ai décidé hier soir que j'allais l'écouter en rafale pour voir s'il y avait quelque chose que j'allais aimer. Mais Mon Corps, je l'avais vraiment écouté souvent cette semaine. Donc, Mon Corps, le premier single de l'album qui est très populaire ces temps-ci. Et quand j'ai écouté l'album, c'est la première fois que j'aime un de ses albums du premier coup. Il y a vraiment... Toutes les chansons sont très bonnes. Il y a juste une pièce que j'ai un peu moins aimée. C'est la pièce « La pluie et le beau temps ». Il y a beaucoup de auto-tune. C'est pas dans l'habitude d'Ariane Moffat. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Mais bon, peut-être qu'à la longue, je vais essayer de parler l'aimer un peu plus. Mais vraiment, l'album est super bon. Il y a plusieurs chansons anglophones, plusieurs chansons francophones. Il y a des chansons très, très différentes de ce qu'elle a déjà faites. Et c'est elle qui a écrit, composé, joué, arrangé, réalisé et produit l'album. Donc, c'est vraiment un album 100% Ariane Moffat. Elle a tout fait? Exactement. Tout. Elle a tout fait. C'est pas bon pour l'emploi, ouais, ça. Ah, ouais. Bon. Alors, c'est continue, ça, vraiment, c'est un très bon album. Si? Les robots vont être. Quoi, hein? tout le monde s'appelle par-dessus. Ouais, je te l'ai dit, coupe, là. On coupe. Ah, merci, ça coupe. On te... C'était très bien fait. Merci. Donc, non, j'ai vu, Stéphanie, que Moffat, Ariane Moffat, elle commence à vouloir vraiment percer aux États-Unis, là, parce que toute son étiquette est en anglais dessus. C'est écrit en anglais partout. C'est dit recommandé si vous aimez Metric, Charles Gainsbourg, Goldfrapp. Et puis, ça dit que c'est clean pour le FCC. FCC, c'est l'industrie aux États-Unis qui censure. C'est comme le genre de CRTC. Donc, c'est propre là, pour le FCC aux États-Unis. Donc, on dirait vraiment qu'elle vise ce marché-là plus. Là. Oui, clairement. Puis, j'espère pour elle que ça va fonctionner. Ouais. Mais il y a des chansons en francophone aussi. Oui, je pense que c'est moitié-moitié franco-anglo, j'entends dire. Oui, il y a quand même pas mal de chansons anglophones. La 1, la 2, la 5. OK, je pensais qu'elle avait donné des titres. Oui, mais veux-tu vraiment que je t'énomme toutes? C'est pas vrai, Steph. Mais oui, très bon album. Donc, c'est à mettre dans la liste d'albums à écouter. Parfait. Et finalement, dernière chanson qui a marqué ma semaine, c'est The Shins. Groupe américain qui a déjà été le sujet d'une de mes chroniques, son plat favori, dans les premières chroniques il y a 2 ans et quelques. J'avais parlé de leur 3e album, Wincing the Night Away, qui sortit en 2007. Mais là, le groupe sort un nouvel album le 20 mars. Le premier single est sorti, ça s'appelle Simple Song. Ça vaut vraiment la peine de voir le clip aussi. On voit les funérailles d'un père de famille et on voit la bataille entre les 3 enfants pour trouver le testament qui a été caché dans la maison. Donc, c'est très comique. J'ai bien aimé. Donc, Simple Song de The Shins, on va entendre ça à la fin du bloc, mais on va débuter avec Too Late d'Ariane Moffat. Et on a le temps de te remercier, Stéphanie Gagné. Merci beaucoup. Merci Steph. Passe une belle semaine. Toi aussi, Mathieu Plante. Merci, t'es fine. Bonne semaine, Steph. Ah, ouais, c'est pas une bonne semaine, ça. Ah, bon, merci. On va passer une semaine de marde à cause de ça, là. Ah, bon. Au moins, Steph, elle a 6 jours sans te parler, tu sais. Hey, mais t'es-tu en semaine de relâche, ou? Oui. Ouais? T'aurais pu venir nous voir? Non, je peux pas, j'ai 3 jobs cette semaine. Hey, quand même. Tu vas où, là? J'ai. Un restaurant, non? Ou un magasin grande surface? Tu peux y aller général? un magasin grande surface. D'accord. De CD, de DVD et de livres. D'accord. Oh, c'est très bien. Une place où je travaille comme adjointe administrative en Ontario. Oui. Ah, oh, superbe. T'aimes ça? Non. Non? Ah, oui, non. Une chance que c'est fou pogne pas là-bas. Hein? Et aussi, cette semaine, je donne des ateliers à l'école. Ah. Oh. Truc, ils te prennent comme exemple tellement t'es bonne? Exactement. Pas surprenant du tout. Ça n'allait pas s'en vanter, mais c'est clairement ça. Ouais, ben, je donne des ateliers sur la radio à des élèves de secondaire 5. OK, tu leur enseignes quoi? Des choses vraiment des choses générales? À ne pas faire. Ah oui. Ben, je leur parle c'est quoi les exigences du programme, les exigences du métier. Je leur montre un peu comment ça fonctionne en studio, la console, les différents programmes. Puis les différents tons qu'on utilise pour la publicité. Et finalement, on enregistre une partie d'émission. Ah, c'est cool. Est-ce que tu leur mets des crayons dans la bouche? Non, non, j'ai pas assez de crayons pour faire ça. Mais j'y ai pensé hier, en plus. Pour faire les tests de... Ça marche pas avec un doigt, hein? Non, ça marche pas avec un doigt. Non, c'est pour ça qu'ils perdent un crayon. Faut croire. Exact. Donc, Steph, merci beaucoup. The Shins tantôt, mais pour l'instant, Ariane Moffat. Too late. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Très bonne chronique, c'était vraiment... Your energy, your ADD, I miss your fears, the souvenirs, I miss your sweet taste, you laughed hysterically, I miss your grace and your flexibility, I miss the nights, the frantic pace, I miss the consequences, the price to pay, oh I miss Paris, pornography, your charge on me, I miss the way you used to love me. But there was not enough space for you. You are a charm and a chain that I stole, especially for you. Machines et Simple Song dans ton plat favori. On remercie encore une fois Stéphanie Gagné. Merci, Steph. Et pour accompagner le plat favori, c'est les crudités de François-Olivier. Oui, exactement. Et puis aujourd'hui, Mathieu, tu vas me trouver peut-être pas original, mais c'est pour une bonne cause, donc je souhaiterais que tu m'en parles pas. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je me sens vraiment accusé. Là. Non, écoute, je te parle du Deviski qui va avoir lieu le 10 mars prochain. Donc, il est encore temps, vous pouvez vous inscrire. Évidemment, en fait, le but, c'était de ramasser de l'argent qui vient en aide, en fait, aux enfants atteints du cancer. Le but, c'est d'amasser au moins minimum 400$ par équipe. Donc, c'est des équipes de 4 aussi. Donc, environ 100$ chaque. Ça peut être des commanditaires, ça peut être votre propre argent aussi. Donc, voilà. Blanchiment d'argent, ça marche pas, non? Ben, l'argent volé, l'argent... Non, mais écoute, sûrement que ça fonctionnerait, mais je le conseille pas à personne. Okay. Et puis, c'est ça. Ça se déroule le samedi 10 mars prochain, ici à Vallée-du-Parc. Évidemment, c'est un défi, donc c'est 12 heures de ski. Minimum, il faut une descente à l'heure. Donc, c'est pas énorme là, quand on pense qu'on peut seulement faire 12 descentes. Mais je pense que l'idée, c'est de se dépasser aussi un peu pour la cause. Donc, essayer d'en faire le plus possible. Et puis, avec la neige qui est tombée, les conditions, j'imagine qu'ils doivent être super belles. Donc, ouais. Ça donne le goût là, de vraiment de recommencer un peu à faire du ski. Vous pouvez d'ailleurs contacter les personnes qui s'en occupent pour l'inscription. Mauricie, à commercial.lecamp.qc.ca. Ou dans le 819-379-1010. Vous pouvez sûrement aussi en parler avec Saskia Thio, vu qu'il y a la syllabe ski dans son nom, il y a ski, fait que je me dis c'est... Non, Mathieu! Non. Elle n'est pas porte-parole, elle devrait être porte-parole parce qu'elle a ski dans son nom. Mais qui ça? Saskia Thio, Canalvie. Ah, non, je connais pas. Non, je connais pas. Donc voilà, le samedi 10 mars, écoute, je vais peut-être essayer de le faire. Mais je vais te tenir au courant, Mathieu, et je vais te demander de me donner de l'argent pour la bonne chose. Ok, parfait, ben je vais le faire. Évidemment, moi, les bonnes causes, tu sais, toujours. C'est formidable. J'encourage toujours. Je fais pas l'activité parce que je suis pas capable. Ben, t'es pas capable. Pas capable n'est pas un mot, mais ouais, c'est ça. Non, mais tu serais capable, tout le monde est capable. Ouais, de se planter facilement. Ouais, mais une descente à l'heure. Mais, tu sais. Petit dessin Chris Carpet. Je vais être en morceaux à la fin. Mais non. Ah. Mais non. Donc, c'est tout. Merci, François. Ça fait plaisir, Mathieu. Moi, comme... Tu pour une bonne cause, toi aussi. Oui, ben oui. Ben oui. Ben, c'est pour sauver les baleines. Ah, OK. C'est pour sauver les baleines. C'est bien. Parce que, tu sais, comme dessert délicieux de Mathieu, c'est ma portion à moi. Tantôt, on a écouté dans le début de l'émission des nouveautés du palmarès anglophone et francophone. On a entendu quelques affaires. Et celle de Welsh, j'ai vraiment beaucoup aimé la pièce. Donc, c'est comme pour moi un classique instantané. We Are 1980. Non, je la referai pas jouer. OK, ouais. C'est ta question. Ben, je me demandais. J'ai allé me renseigner sur Internet un petit peu sur Set the Well parce que j'avais adoré capoter sur leur précédent album, là, celui qui avait Kimmelo the Magician dessus. Je trippe tellement sur cette chanson-là. Ouais, on l'a fait jouer encore. On l'a fait jouer, ouais. Et encore récemment. Donc, ça s'est resté. C'est rare les choses dans le palmarès qui restent plusieurs années après. Donc, c'est quelque chose. Je me suis renseigné sur leur album Little Mountain, le plus récent, groupe de Vancouver, Set the Well. Et puis, on nous suggère la pièce Big Sky. Donc, allons l'entendre à l'instant. J'ai vraiment hâte. J'ai hâte d'écouter l'album au complet. Puis, en plus, quand tu l'ouvres, non seulement il y a le nom de la formation de découpé dans la pochette. Donc, c'est beau. Mais en plus, t'as un petit poster. Un petit poster avec des petites toiles dessus. C'est super cute. En tout cas, j'ai bien hâte d'entendre ça. Set the Whale. C'est ça. C'est Set the Whale avec Big Sky. Tout de suite au 89.1. My grandfather picks wildflowers at the top of the hill upon side. And he knows the names by their color, shape, and their size. Up over the ridge and through the valleys, picking flowers by the riverside. My grandfather picks shooting star and prairie smoke, where lily of the valley rose, Ursulane, Queen Anne's beauty, bathing in the offflow. Up over the ridge and through the valleys, to find pearly everlasting in the light. Oh, true love, for true love, he said. For true love, you do the best that you can. She will always be there when you wake up. Oh. grandfather was a fisherman, and no fish ever stood a chance. When he was standing on the riverbed with a fistful of cutthroat on the sand, my grandfather was a good man, and for a good life gave thanks. Making flowers for his true love, for Queen Anne on the riverbank. My grandfather taught me there, if you show true love that you can take care of her, and when you wake up she'll always be there by your side. My grandfather picks wildflowers at the top of the hill upon the mountainside, and he writes the names in the back of his Rocky Mountain Wildflowers Field Guide. Up over the ridge and through the valleys and through the everlasting hills. Up over the ridge and through the valleys, picking flowers by the river's side. Up over the ridge and through the valleys to find true love everlasting. True love, he said. For true love, you do everything you can. She will always be there when you wake up. My grandfather taught me that picking flowers is worthwhile when you're doing it for your true love. And when you see her smile, it's like shooting star, and there we are, where we grow, roots of never ending love, high up in the mountain at a big sky, shooting star, where we are, where we grow, roots of never ending love, high up in the mountain at a big sky. La pièce Big Sky Montana sur le nouvel album Little Mountain de Seth the Whale à Assemblage Requis. Et c'était mon dessert délicieux. Hein? C'était oui. Très bon. C'était très bon. Moi, je suis satisfait. J'ai le ventre bien rempli. Donc, je vais aller prendre une petite pause puis faire l'exercice un petit peu pour brûler ces calories-là. Hein? Bon. Donc, c'était le plat favori de Stéphanie Gagné, les crudités de François-Olivier Marchand et les desserts des cieux de Mathieu. Exactement ça. Et ça recommence comme à toutes les semaines, mardi prochain à 7h30. Nous voilà, on l'a dit, on va aller prendre une petite pause parce que c'est la fin de cette première heure d'Assemblage Requis. Tout à l'heure, on aura Gabrielle de Grasse. Oui. Très hâte. Ben, puis, 8h. En fait, elle devrait être là. Incessamment. La porte va s'ouvrir très bientôt. Ouais. Ensuite, à 8h30, on aura Sébastien Dulude et sa pièce de théâtre sur un certain festival grand public trifluvien. Oui, et à 8h30, on reçoit Nathalie Belrose-Amel par téléphone qui nous parle de son livre « L'amour, point final ». Avec un G, point. Avec un G. Avec un point dessus. Avec un point. Clauc, ça fait mal. Grosse histoire à raconter de sa part tout à l'heure. Très bon livre. Mais pour l'instant, c'est l'Info Campus. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Deuxième heure d'Assemblage Requis en ce mardi 28 février 2012. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. On attend toujours Gabrielle Degrasse qui va nous faire sa chronique loisir dans quelques minutes. Allez, arrive. De vrai, en tout cas. Allez, arrive. On va aussi parler d'un livre, L'amour, point final, tout à l'heure. Oui, vers les 8h30. avec Nathalie Bellerose-Amel. Tu l'as lu le livre? Oui, je l'ai lu. T'as des bonnes questions pour elle. Je l'ai dévoré. Ah oui? Ouais, c'est un très bon livre pour elle. Ah ben, c'est bon, ça. J'aime ça. C'est une ancienne de l'UQTR. Oui, est venu à l'UQTR, c'est ce qu'on apprend dans son livre d'ailleurs. En tout cas, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard. D'accord. Mais pour l'instant, on écoute Fanny Bloom. Voici Parfait, Parfait. Sur C'est fou, dans vos oreilles. Pour un instant, mais juste une flamme pour

La formation Mauve et la pièce Madeleine dans Assemblage requis sur C'est fou 89.1 FM. Il est 8h30. Et c'est le temps de parler à Madame Nathalie Bellerose Amel. Est-ce que vous êtes là, madame? Oh, Nathalie? Oh, ça fonctionne pas. Nathalie? Nathalie? Allô? T'es où? Non? Toujours pas? Ben quand non. Nathalie. Non. Bon, d'accord. On retourne en musique quelques secondes. Écoute, on règle le petit problème ici. Il n'y en a pas de problème. On s'en va entendre du Foxy Shazam, oui, avec l'extrait Holy Touch au 89.fm. Vous êtes toujours à Assemblage requis. Et après ça, on parle de l'amour. Point final. This is Mathieu Plum! All right, this is WQRX. That was a new hit, but really? J'adore la fin, c'est génial. Donc, Holy Touch de Foxy Shazam à Assemblage requis au 89.fm. Mais je crois qu'on a rétabli le lien satellite. Oui, ça devrait, là. Bonjour, Nathalie, est-ce que t'es là? Oui, je suis là. Bon, formidable. Nathalie Bellerose-Amel, qui est l'auteur du livre L'amour point final, qui d'ailleurs raconte un peu ton histoire, c'est exact? Mm-hmm. Et puis, écoute, premièrement, écoute, on va partir à la base. Là. Ça vient d'où ta passion d'écrire? Parce qu'on peut voir, en fait, en lisant le livre, que tu as pas mal tout le temps écrit. Oui, effectivement. Quand que j'ai appris à lire, finalement, puis à écrire, j'ai comme connu un nouveau monde. Puis j'ai commencé à écrire très, très jeune. À mes 12 ans, j'avais déjà l'idée dans la tête d'écrire un livre. Donc, à 12 ans? Oui, à 12 ans. Okay. J'ai commencé à écrire, sauf que j'étais comme trop pressée. Donc, je finissais jamais ce que je commençais, tu sais, puis sauf que c'est sûr que c'était pas une autobiographie que je commençais à écrire hein, à 12 ans. Non. Mais tu sais, j'avais quand même j'ai une très grande imagination, donc tu sais, je voulais écrire des histoires fantastiques, tu sais, beaucoup avec beaucoup de fiction. Mais c'est ça, je me décourageais tout le temps, puis c'est vraiment à 23 ans que l'idée a germé dans ma tête d'écrire un livre pour de bon, puis que ça prendra le temps que ça prendra pour le terminer, je terminerai. Puis c'est là que l'idée a germé d'écrire l'amour, point final. OK. Et puis, c'est ça, en fait, tu t'es basé un peu sur tes expériences, ton vécu pour écrire un livre. Bien, je me suis basée totalement sur mon vécu. Okay. Il y a comme mon livre est vraiment très, très authentique. Avec le vécu que j'ai eu, je me suis puis le présent que je suis aujourd'hui, je suis quelqu'un de super positif, super optimiste. Et quelqu'un de très différente aussi, hein? Oui, oui, vraiment. C'est comme deux mondes. Mon passé puis ce que je suis aujourd'hui, c'est comme deux mondes complètement différents. Mais que j'ai réussi à ouvrir cette porte-là en changeant ma vision de la vie, tu sais, en changeant ma vision d'affronter les choses. Puis c'est ça. Donc, c'est ça. OK. J'ai... Parce que, écoute, quand moi, premièrement, en fait, quand tu m'as écrit, en fait, pour le livre, je connaissais pas, j'avais jamais entendu parler du livre. Et puis, je me suis dit, oh, tu sais, 24 ans, 24-25 ans, j'étais pas certain de l'âge que t'avais. Mais je me dis, oh, me semble c'est jeune pour écrire une autobiographie, tu sais. Ouais. Mais, écoute, j'ai commencé à lire, et puis, j'ai été surpris, j'ai vraiment embarqué dedans. Et ce que je trouve plaisant, c'est que, en fait, on a un peu le même âge. Bon, je suis un peu plus vieux, j'ai 27 ans, mais tu sais, et tu viens quand même du coin, donc en fait, ça m'a comme... Accroché. Ouais, c'est quand venu me chercher. Ouais, c'est sûr que la première chose que tu as dit en disant que dans le fond, 24 ans, 25 ans, c'est peut-être jeune pour écrire une autobiographie, bien ça, cette phrase-là, on me l'a dit souvent aussi. OK. Puis je réponds souvent que, selon moi, c'est pas l'âge qui fait l'expérience. C'est vraiment ce qui t'arrive dans la vie. Non, mais c'est ça, c'est ça. Ouais. Puis c'est ça, je viens de la région, donc... Non, mais c'est ça, puis et quand on commence à lire ton histoire, on se rend compte que ton histoire est pas du tout banale. Et pas du tout banale. Là, je veux pas dire de punch, parce que, écoute, je vais inviter tout le monde à lire le livre, parce que je pense que ça peut aider aussi au niveau du cheminement personnel. On en reparlera un peu plus tard. Mais j'aimerais ça que tu nous racontes peut-être une anecdote que tu choisis, là, parce que je veux pas dévoiler de punch, rien, là, mais juste pour nous montrer... que tu l'as pas eu facile, mettons. Une anecdote que tu choisis. Ou une expérience, ou... en fait, parce qu'il y en a plein qui viennent en tête, mais je veux comme pas... Moi aussi, là, j'en ai comme tout plein, là. Je vais essayer d'en cerner une. Une anecdote. C'est sûr que moi, ce livre-là, c'est une autobiographie, puis je parle de la recherche de l'amour, OK? Parce que, finalement, j'avais aucun amour en moi, donc je recherchais ça. Je recherchais l'amour partout. Puis je croyais que les seules personnes qui pouvaient m'aimer, c'était des personnes... qui m'accordait de l'attention, mais vu que j'étais... Je m'alignais beaucoup à des personnes très violentes, des personnes manipulatrices, jalouses. Oui, c'était pas des anges. Non, vraiment pas. Puis c'était à l'égal de ce que j'avais comme estime pour moi-même. Donc, ma première relation, je serais portée à parler de celle que j'ai eue à mes 13 ans, de mes 13 à mes 14 ans, ma première vraie relation. Puis j'ai tombé, justement, sur quelqu'un d'assez... violent, puis lui, pour exprimer sa violence, puis pour me manipuler, moi, j'ai une passion pour les animaux. Ouais. Puis lui, pour me manipuler, il utilisait les animaux puis leur faisait du mal. Donc, j'ai vu, pendant un an, j'ai vu vraiment des trucs vraiment atroces, comme j'ai vu des chiens pendus, j'ai vu des chats tués, mais avec beaucoup de souffrance devant moi pour me faire payer le fait que j'avais soit osé parler trop fort. Et c'est beaucoup de la violence gratuite, d'ailleurs. Ouais, extrêmement. Puis cette personne-là, aimait ça. Plus que j'avais peur, plus que je réagissais, plus que lui souriait. C'était vraiment quelqu'un qui prenait plaisir à faire peur à l'autre, qui prenait plaisir à ce contrôle-là. Puis avec cette relation-là, ce que j'avais développé, c'était que je ne devais montrer aucune émotion. Donc à partir de 13 ans, moi, l'apprentissage que j'ai eu de la vie, c'était que pour survivre, il fallait que j'exprime plus d'émotion. Fait que là, j'ai eu un mécanisme de défense qui a embarqué, puis qui m'a suivi quand même assez longtemps, plusieurs années. C'était celle d'être capable de cacher mes émotions, puis pas les vivre, parce que j'avais pas le choix, parce que si je pleurais devant la méchanceté qu'il faisait, c'est comme s'il continuait. C'était pire, parce qu'il aimait ça. Là. Donc, tu sais, j'étais comme rendue vraiment insensible. Je m'avais mis une très forte carapace pour affronter ça. Mais donc, c'est ça. Mais c'est tellement atroce, ce bout-là en particulier. Là, écoute, je m'en rappelle. Que à un moment donné, tu te dis, mais t'as pas le droit, pourquoi elle reste là? Et même en étant lecteur, t'es comme, ça vient te chercher. Oui, je crois que moi, j'aurais tendance à répondre à cette question-là, que les personnes qui vivent la dépendance affective peuvent comprendre ce point de vue de rester accroché dans des relations comme ça, parce que t'as tellement peur d'être tout seul. Ouais. Parce que quand t'es tout seul, tu crois que t'es pas aimé. OK? Parce que tu n'as tellement pas d'estime de toi, tu te sens tellement pas bien que tu veux pas d'être seule. Donc, puis moi, j'étais jeune, hein, j'avais quand même 13 ans. Donc, tu sais, je rentre dans l'adolescence, puis j'avais encore la pensée magique de croire que cette personne-là pouvait changer. Ouais, c'est ça, exactement. On veut changer tout le monde. C'est ça, tu sais. Puis, tu sais, j'étais encore jeune. J'avais pas encore de bagage de vie. C'était comme ma première expérience amoureuse. Puis, je croyais qu'il pouvait. Puis, tu sais, je croyais à ses paroles parce que quand il faisait ça, des fois, après, il me disait je m'excuse, je vais changer, je ferai plus jamais ça. Puis, tu sais, des paroles comme ça, mais je le croyais, tu sais. Puis, quand il était pas méchant, mais il était super correct, tu sais, en parenthèse. Donc, tu sais. Puis, lui, il m'a beaucoup manipulé en me disant que si je le laissais, que je le laissais là, ben, qu'il allait s'enlever la vie. Puis moi, je portais vraiment le poids de l'univers sur mes épaules. Puis je m'étais dit, hein, mais là, je peux pas le laisser là parce qu'il va s'enlever la vie. Tu sais, j'étais vraiment jeune, naïve. Puis lui, il a su comment profiter de... Comment profiter de ça. Et puis, tu sais, c'est sûr que c'est toi qui le vis aussi. Là. C'est pas c'est pas nous, avec notre expérience, qui le vis. Fait, c'est en ça. Fait. Et puis, le livre, là, s'adresse à qui? Ben, quand tu l'écris, tu pensais peut-être que ça l'intéressait qui? OK. Premièrement, je m'étais dit que toutes les personnes qui ont vécu ou qui vivent les difficultés que j'ai vécues, c'est clair et certain que ces personnes-là, ce livre-là, vont les aider, seulement en leur donnant conscience qu'ils sont pas tout seuls, puis qu'on peut s'en sortir de façon très, très, de bonne façon, tu sais. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que dans mon livre, je parle beaucoup, tu sais, d'agoraphobie, de crise de panique, je parle de dépendance affective, de consommation... Tu sais, je parle de beaucoup de sujets variés qui peuvent toucher beaucoup de personnes. Puis aussi, j'aurais tendance à dire que, tu sais, dans le fond, mon livre, c'est un cri du cœur qui recherche le bonheur. Donc, ce livre-là, je me risque à dire que tout le monde cherche le bonheur. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut être bien. Puis je crois que vraiment que ce livre-là s'adresse à toutes les personnes, finalement. Puis pas nécessairement des personnes qui ont vécu que j'ai vécu, parce que j'ai reçu des témoignages de personnes qui avaient justement pas vécu ça, puis qui m'ont quand même remercié, puis qui m'ont dit qu'il y a au moins une fois dans le livre qu'ils se sont sentis concernés, puis que ça les a éclairés quand même. Parce que mon livre est comme très humain. Mais c'est ça, je suis d'accord avec cette opinion-là, parce que moi, vois-tu, tu sais, j'ai vraiment pas ton vécu, et puis en fait, quelques fois dans le livre, je me suis vraiment senti... Tu te remets en question... Parce que tu parles justement de la recherche d'amour, puis je pense que tout le monde en a... ce désir d'aimer et d'être aimé là. Puis, tu sais, je parle pas juste de l'amour de couple, là, je parle vraiment de l'amour l'amour en général. Oui. T'sais, finalement, ça revient à la recherche de l'amour, mais l'amour en soi, parce que tu sais, moi, je le cherchais partout, je le cherchais, j'ai fait tellement de folies pour trouver cet amour-là, puis je l'ai trouvé à un moment donné, mais c'est quand j'ai été capable de m'arrêter, puis de me regarder à l'intérieur de moi puis de le trouver en moi. Puis c'est à partir de ce moment-là que tu peux recommencer à renaître. C'est ça, et ça peut aider, en fait, dans la vie personnelle, les gens qui le lisent. Mm-hmm. Ouais. Donc ça, c'est bien. Et puis, une petite remarque aussi. Écoute, je pense que t'es béni des yeux. En fait, plusieurs fois dans le livre, tu te dis, comment est-ce qu'il a réussi à passer au travers de ça? Et puis, un passage aussi qui m'a bien intrigué à la fin, là, écoute, je veux pas dévoiler de punch non plus, mais on sent que tu as comme des connexions qui se font avec, comment je pourrais dire ça, avec des forces outres. Outre que la rationalité? Oui. Ouais, ben je crois qu'à force d'être capable de faire une introspection en soi, je crois qu'à un moment donné, on est capable d'ouvrir certaines... Mais ça, tu sais, c'est libre aux personnes de croire ce qu'ils veulent croire. Mm-hmm. Mais moi, je suis convaincue qu'on a des aides qui viennent de là-haut. Puis j'ai été capable de me connecter dans ces vibrations-là. Puis je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de beaucoup avancer de manière positive, hein, de manière... grâce à cette ouverture-là, ben, qu'on a toutes, finalement, que je suis persuadée que tout le monde peut... Que tout le monde a, mais qu'il y en a qui, en fait... C'est ça, ça dépend vraiment de... T'es moins réceptif, mettons. C'est ça, exactement. Donc, ouais. Donc, non, ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Écoute, pour les gens qui veulent te lire... Oui. Où est-ce qu'on peut se procurer ton livre? Le livre, il est disponible à Trois-Rivières, dans la librairie Clément Morin et librairie Poirier. Okay. Il est disponible aussi à Nicolet, dans le fond d'où est-ce que je viens, dans les clubs vidéo. Où tu as travaillé? Oui, où j'ai travaillé là, oui. Puis aussi à Saint-Grégoire, au dépanneur Premier Choix, à Sainte-Gertrude, au dépanneur Frandor. OK. Et ça se vend à combien? Là, il se vend au prix de 25 $. OK. Puis, il est aussi disponible via le site internet www.leséditionspremièrechance.com. Puis l'avantage de l'acheter par Internet, c'est qu'il vient avec une dédicace, dans le fond, que je signe, parce que c'est moi qui ai poste, ça fait que c'est un petit plus, là. Ah, c'est cool, ça. Donc, ouais, c'est là qu'il est disponible, puis aussi en librairie, dans les librairies Saint-Jean à Drummondville, puis Victoriaville. OK. Ouais. Et puis, écoute, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que tu écrives un autre livre? Oui. Oui? Oui, là, là, j'ai comme... Mais là, pas ta vie encore, là. Non, là, parce que, comme que j'ai dit, j'ai beaucoup d'imagination, hein. Puis, j'aime beaucoup l'aventure, j'aime beaucoup la fiction. Puis, c'est clair et certain que je vais écrire un livre qui va dépasser, là, qui va être vraiment de la fiction, là, que je vais pouvoir mettre toute mon imagination dedans. Okay. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un livre d'aventure, de fiction. Puis, il y avait une idée aussi qui germait aussi de faire un tome 2, mais pas de l'amour point final, mais pas... L'amour point final, c'est plutôt mon passé. Hein. Puis, pour tout, je parle plutôt du pourquoi. Tandis que le tome 2 parlerait du présent et du comment. Comment voir la vie de nos temps? Comment trouver le bonheur? Ce serait comme un guide de réflexion, tu sais, des réflexions très songées. Là. Okay. Mais ça, c'est tout nouveau, là, cette idée-là qui vient de germer. Okay. La semaine passée, j'ai commencé à y penser. Donc, okay. C'est vraiment récent. Mais ouais, j'ai quand même beaucoup de projets d'écriture. OK, formidable. Et les illustrations, excuse-moi, oui. C'est toi qui les as dessinées, j'imagine? Oui, c'est moi qui les ai fait. Bon, formidable. En fait, tu as du talent dans le dessin. Mais je pense parce que j'ai pas... du talent dans les arts. Je pense que oui aussi. Je pense que ça serait plus... Mais ouais, c'est ça, avec mon dessin, mon livre, justement, il y a des dessins dedans. Puis aussi, il y a des poèmes qu'on peut retrouver. Puis moi, je me suis servi de mes journaux intimes pour... Parce que moi, j'écrivais des journaux intimes depuis mes 10-11 ans. Donc, je les ai toutes gardées. Fait que pour écrire mon livre, avoir des dates un peu plus précises, des détails un peu plus que j'aurais pu oublier. C'est ça, parce que c'est quand même précis, là. Oui, c'est ça. J'avais mes journaux intimes, j'en ai une bonne dizaine. Fait que j'ai tout refouillé là-dedans. Puis aussi, écrire ce livre-là, ça a été vraiment une véritable thérapie. Ça m'a permis de replonger dans le passé, de revoir les choses d'un œil différent. C'est ça, de comprendre aussi. C'est exactement, de le voir différent, puis de m'enlever tout le blâme que je m'étais mis sur les épaules, que j'étais coupable de d'avoir reçu ce que j'ai reçu, finalement. Okay. Donc, écrire ce livre-là, déjà, en soi, de l'écrire, ça a été merveilleux. Okay. C'est quelque chose, ouais. Et puis là, présentement, qu'est-ce que tu fais? En fait, t'es retournée aux études? Oui, je suis retournée aux études. Je suis au cégep de Victoriaville en éducation spécialisée. Ah! Tu me déçois! Ah oui, puis j'adore ça, là. Sérieusement, c'est ma passion. Mais, je suis vraiment... Ouais, mais tu me déçois parce que je pensais que t'allais être avec les animaux, là. Ah non, ben c'est clair, je vais faire ça. Non, non, non. Moi, j'ai été me chercher un diplôme d'éducation spécialisée pour ensuite faire la zoothérapie. Ah, OK. Ouais, donc, mais je voulais avoir quand même une certaine crédibilité, tu sais. Tu peux pas commencer la zoothérapie sans avoir de diplôme quelconque. OK, OK. Donc, je commence un AEC en même temps que mon DEC en septembre prochain, un AEC en zoothérapie. Ah, bon. Ouais, donc quand je vais finir l'école, je vais avoir mes deux diplômes en main, puis tu sais bien aller. Ça va y aller au toast. Bon, parle-moi de ça. Ouais. Hey, mais écoute, Nathalie Bellerose-Amel, qui est l'auteur de L'amour point final, merci d'avoir partagé ça avec nous autres. Ben, c'est moi qui vous remercie. Écoute, si t'écris d'autres choses, ben, gêne-toi pas. Parfait. Ça va nous faire plaisir. Ben, c'est parfait. Puis, écoute, merci. Hein, finissez à Mathieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, passe une belle journée. Oui, vous aussi. Merci. Au revoir. On écoute All Right de Marie-Pierre Arthur à Assemblage. Usé jusqu'à la corde, j'ai eu beau tourner la question dans tous les sens. Quand les paroles débordent, je pas sûr. played the part, running all the lines like you're speaking from the heart. Tickets in local color, buy some local art, bring your backstory like you've always played the part, running all the lines like you're speaking from the heart. Getting by on one meal a day, I sleep just enough to soothe my aches, yet sell my soul for an ounce of shade. Sitting thinking about the future, just like saying prayers that you're afraid. The debts we paid, the warrior you wonder, that heaven gates. Color by some local art, bring your backstory like you've always played the part. You're running over lines like you're speaking from the heart. Take in some local color by some local art, bring your backstory like you've always played the part. You're running over lines like you're speaking from the heart. Travelers Digest, Travelers Digest, la Library Voices à Assemblage Requis, ça finit très bien cette émission sur deux enfargements de langue de suite. On aime ça. Donc, soyez avec nous demain matin entre 7h et 9h pour notre nouvelle édition de l'Assemblage Requis. On aura Jasmine Raymond-Dréville à 7h30 avec sa chronique linguistique. Et Angélie Durocher qui nous parle de la GEUQTR. Ok oui, donc ça va être une très belle émission demain matin dès 7h. Restez sur nos ondes pour le dîner de con avec Danny Janvier à partir de 11h. Ensuite, c'est Connaître ensemble pour tout savoir sur la périnatalité. La langue dans ton oreille avec David Ferron commence à 14h. À 16h, oui, si vous avez manqué le voyage insolite et album classique, c'est là que ça repasse. Et en soirée à 19h, c'est Réanimation avec du métal et de l'horreur. Passez une belle journée. Allez voir le site.ca et puis assemblagerequis.com. Merci François-Olivier Marchand. Merci Mathieu Plante. Merci à Stéphanie Gagné. Ben oui. Nathalie. Sébastien Dulude. Sébastien Dulude, bien sûr. Nathalie Hulme de Rosamel. Ouais. Et merci à Gabriel Legrasse de vivre. Oui. Survivre. Survivre, je crois. Et aller acheter le livre. Oui, ben de oui. Nathalie Belle-Rosamel. L'amour, point final. Ici à Poirier avec les mamans. Ouais. Et Gabriel Legrasse, vous l'aurez compris, ben, sur de retour la semaine prochaine. Hein? Espérons-le. Espérons-le. Pour elle. Pour elle. Et pour nous. Bien sûr. On se quitte avec Winter Gloves, Let Me Drive. Bye bye.